Chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les bras du Nil et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs pratiques occultes. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Le pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Intercédez auprès de l'Éternel, afin qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit au pharaon « Que sa majesté me donne un ordre. Pour quand intercéderai-je auprès de l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il fasse disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le Nil. » Il répondit, « Pour demain. » Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. » Les grenouilles s'écarteront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le Nil. Moïse et Aaron sortirent de chez le pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir contre le pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les amoncela, boisseau par boisseau, et la puanteur se répandit dans le pays. Mais le pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur, et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ton bâton, et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques, mais ils ne le purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent au pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur du pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant le pharaon lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen, où se tient mon peuple. Et là, il n'y aura pas de mouche, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » L'Éternel fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches. Le pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons trois journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Le Pharaon dit, « Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. Intercédez pour moi. » Moïse répondit, « Voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Demain, les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel agit selon la parole de Moïse, et les mouches s'écartèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple.